Les archives nationales coréennes Mui Dobo Tongji sont désignées comme patrimoine écrit de l'Asie-Pacifique du patrimoine écrit mondial de l'UNESCO. Ces archives, imprimées en avril 1790 par les planches gravées, sont les livres des arts martiaux du domaine militaire qui ont synthétisé et systématisé l'art martial traditionnel de la nation coréenne, origine du taekwondo, largement diffusé et généralisé dans plus de 120 pays du monde. On y a montré avec les dessins et les explications non seulement les mouvements de l'art martial national, y compris le maniement de poings, l'escrime et les méthodes d'utilisation de lances et de matraques, ainsi que l'équitation, mais aussi les mouvements des arts martiaux des pays voisins. Les dessins sont réalisés par Kim Hong-do, célèbre peintre de l'époque de la dynastie féodale coréenne. À présent, ces archives sont conservées au Palais des études du peuple à Pyongyang.